Quatrième nouvelle, l'affaire Fréjolles, Pertuis. Chapitre 1er. Marcel Pignatel sortit sur le pas de sa porte pour mieux voir le temps qu'il faisait. On était en fin avril, mais jusque-là il n'avait pas suffisamment plu, et le mistral accentuait encore la sécheresse de la terre. Canalisé par le Luberon au nord et par la Trébarès au sud, le mistral prenait ses aises dans le vaste espace de la plaine de la Durance, brossant le fleuve, soulevant des vaguelettes, nettoyant la moindre brindille, couchant les jeunes plants. Gorgée d'alluvions, la terre n'était certes pas mauvaise, mais les conditions climatiques obligeaient les cultivateurs à des efforts incessants. « Pétard, si ça continue, bougonna Pignatel, j'aurai meilleur temps de faire pousser des cailloux. » Comme Sœur Anne dans Barbe Bleue, sur la route qui poudroie, il vit arriver une carriole tirée par un mulet. De plus près, il reconnut son ami Ernest Viguier, paysan comme lui. On lui donnait le surnom de Barrique, car même depuis l'enfance, il en avait toujours eu la corpulence, alors qu'on nommait Pignatel le plat. En effet, de face, Marcel Pignatel montrait une belle carrure et une taille imposante, mais de profil, il fallait bien reconnaître qu'il était plat. Pour que le surnom de Stockfish lui convînt, il aurait fallu qu'il fût filiforme et maigre. Non, Pignatel, de profil, était seulement plat, d'une étroitesse anormale, et on se demandait bien où il casait ses entrailles et ses poumons. « Oh, Barrique, tu viens m'apporter de l'eau ?» se moqua Pignatel. « Ne plaisante pas avec ce sujet. Le plat, ça ne me fait pas rigoler, bestias. Voilà, c'est pas la peine de t'encagner. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Barrique descendit de sa carriole et prit lourdement contact avec le sol. Puis il frappa l'épaule de le plat en guise de salut. Figure-toi que j'ai cassé le manche de mon arrière. Il faut dire que la terre est tellement dure qu'il faut forcer dessus comme un sourd. Sans compter que je vais finir par y laisser la peau de mon cheval. Et alors, tu es venu me casser la mienne, de charrue ? Repartit le plat avec un sourire. Ce n'est pas pour longtemps, Marcel. Le charron a déjà commencé la réparation. Bon, c'est bien parce que c'est toi, dit Pignatel en ouvrant sa remise. Parce que si ça avait été l'autre, là-bas, il aurait pu se taper le cul par terre pour que je la lui prête. D'un mouvement de tête, Pignatel avait désigné une ferme à 300 mètres environ, ferme qui faisait aussi partie du quartier des Molières, près de Pertuis. « Il est toujours aussi bizarre, ton voisin ?»« Ah, ne m'en parle pas. Il n'est pas vraiment bizarre. Disons qu'il change d'humeur à chaque heure qui passe. Autant tout à l'heure, il te fera une fête comme un jeune chien, et puis l'après-midi, il ne te dira même pas bonjour. »« Il est lunatique, » déclare Barrique, en arrondissant la bouche pour prononcer ce joli mot. « Il y a des gens comme ça. Tiens, ma belle-mère, par exemple. » Ce n'est pas dangereux, mais à la longue, c'est pénible. Pignatel et Viguier donnaient leur avis sur Honoré Fréjolles, homme d'une trentaine d'années, originaire de l'île sur la Sorgue. Il exploitait depuis 2 ans une parcelle de terre appartenant à la veuve Favre, dans la campagne des Moulières. Une ferme inhabitée se trouvait sur cette parcelle et servait d'entrepôt aux récoltes des paysans voisins. Fréjolles avait obtenu la jouissance d'une pièce de la ferme au premier étage, et partageait la remise et les écuries avec les autres fermiers voisins. Depuis le 29 septembre, Fréjolles et sa famille avaient élu domicile dans une fermette située à 1 kilomètre de Pertuis, dans le quartier des Moulins. La ferme des Moulières servait donc de pied-à-terre lorsque Fréjolles travaillait sur la parcelle. Pignatel revint sur le dernier avis de Viguier. « Tu dis que ce n'est pas dangereux d'être lunatiste. Vois, ce type est violent quand il a les cornes à l'envers. » « Écoute ça. L'autre matin, je viens chercher du fourrage pour ma bête dans la ferme. Lui était dans la cour avec son mulet. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire avec cette pauvre bête. Il la tirait d'un côté, de l'autre. On aurait dit qu'il voulait la partager en deux. Finalement, le foutre l'a pris et il s'est mis à taper dessus comme un dingo avec un manche de pelle. Je me suis dit, ce malade va finir par lui casser le crâne. Alors je m'en suis mêlé. » « Tu n'es pas un peu fada de t'encagner de la sorte? Tu crois que ça va arranger les choses? Malheureux, voilà-t-il pas qu'il me fonce dessus avec la pelle? J'avais ma fourche dans la main, je l'ai menacé à mon tour. Viens, viens, essaye de taper, je t'embroche comme un gigot. » Ça l'a stoppé d'un coup. J'ai calmé la pauvre bête et Fréjolles est revenu à la raison. « Excuse, » qu'il m'a dit, « et il est venu me serrer la main. Tu vois un peu le genre du bonhomme. Ouais, il force un peu sur la bouteille, sûr, affirma Barrick. Eh ben non, figure-toi. Je l'ai jamais vu sous, au café non plus. Il est marié? Ouais, avec une veuve qui a un fils. Elle s'appelle Louise, je crois. Mais demande à ma femme, elle est au courant de tout. Lui, Fréjol, il a un fils d'un premier lit, Léon. Un petit gentil comme tout. Ce pauvre gamin s'ennuie et vient souvent me boire. Il pose toujours un tas de questions, il veut tout savoir, au point qu'il en est quelquefois pénible, et comme son père ne le supporte pas. Le gamin vient chez moi. Entendant des voix sur le seuil de sa porte, Mireille, l'épouse de Pignatel, sortit en tenant sa jupe d'une main et de l'autre ses cheveux. « Boudiou, ce mistral ne s'arrêtera jamais !» Avisant Viguier, elle le gratifia d'un gentil sourire. « Oh, Barrick, qu'est-ce qui t'amène ?» Viguier expliqua à Mireille la raison de sa présence, et les deux hommes la mirent au courant de leur conversation concernant Fréjol. « Ouais, » murmura Mireille en baissant la tête, « ce n'est pas un cadeau. Enfin, on ne peut pas dire qu'il soit gênant, mais moins on le voit, mieux on se porte. »« Quel âge ça lui fait, au petit Léon ?» demanda Pignatel. « Il a 8 ans, et son petit frère Michel a 6. Peu cher, ces deux gamins sont tous les deux orphelins. Léon a perdu sa mère, première épouse de Fréjol. Quant à Michel, son père, premier mari de Louise, il est mort. Honoré et Louise étaient chacun bœuf avec un enfant en bas âge. Ils se sont mariés ensemble à Roquemort, et ça a reconstitué une famille en quelque sorte. » Viguier secoua la tête en signe de compréhension. « Ah, je comprends mieux. » « Et comment tu sais tout ça, toi ?»« Bah, pardi, c'est elle qui me l'a dit. »« Mais alors, ils vivent à 4 dans une pièce ?» s'étonna Viguier en désignant la ferme voisine. « Non, » répondit Louise, « plus maintenant. »« Depuis peu, ils ont aménagé dans une petite ferme plus près de Pertuis, dans le quartier des Moulins. »« C'est plus pratique pour l'école des enfants, et Louise est plus proche du marché. » Viguier, dit Barrick, chargea la charrue dans sa carriole et grimpa avec effort sur le siège. Sous le poids, la mule fit un écart. « Oh, ma belle, je sais, je suis lourd. Allez, hu !» Et sans qu'il ait besoin de guider la bête, elle fit demi-tour et reprit le chemin de la ferme Viguier. « Y a des siasses !» fit Barrick avec un geste de la main. « Et merci, collègue !»